Ouais, moi je suis un peu crevée par contre. Je suis un peu crevée parce que j'ai déménagé cette semaine, figurez-vous. Et oui. D'ailleurs, merci pour ton aide, Thibaut. Je profite de l'antenne pour te remercier officiellement. Hein. De l'aide. Oula. Si. Il nous a bien aidé. Merci, Thibaut. Cette semaine, oui, j'ai aidé à déménager. J'ai l'habitude. Hein. La semaine dernière, on a déménagé chez Japan FM. Bon, je suis resté dans les pays asiatiques, hein, puisque là, il fallait déménager à Belleville. Merci de donner mon adresse. Voilà. Heureusement, mon passeport était à jour. Alors, on a tous aidé des potes à déménager, hein. Et pour te le demander, ils le font tous avec un grand sourire. Tu fais quoi ce week-end? Toi, n'ayant pas vu le bâton merdeux arriver, tu réponds, ben rien. Ça tombe bien, on déménage. Étant comédien, et bon en plus, je lui fais, ah oui, ce week-end, aïe. Faut que je vérifie quand même, hein. J'ai peut-être des trucs de prévu. Bon, vous me connaissez, je suis un vrai ami. J'ai pris plein de rendez-vous ces jours-ci. Et des trucs inutiles, hein. Garagiste, j'ai pas de voiture. Vétérinaire, j'ai pas d'animaux. Gynéco, je vous ai dit, j'ai pas d'animaux. Oh putain. Et je dis à mon pote, je suis navré. Acteur studio, enfin je fais l'acteur dans mon studio, je ne pourrais pas être là. Il me dit, t'inquiète pas, je me suis arrangé pour le déménagement. Là, smile on my face, sourire sur mon visage. Et il rajoute, oui, j'ai annulé tous tes rendez-vous. De quoi tu te mêles? Et ton pote a un sens des proportions pendant les déménagements. Il va te dire, il reste pas grand-chose. Il y a un frigo, une machine à laver, un canapé et le buffet de ma grand-mère. Ouais, que les trucs lourds quoi. Et pendant un déménagement, il y a toujours un gars qui doit venir aider. Plus tard. Mais ce gars n'arrive jamais à croire qu'il n'existe pas. Et les filles, on en parle des filles pendant les déménagements? Ça en fout pas une. Si, des fois elles disent, tiens, mets ça là. Et après elles font, mais attendez, on vous a tenu les portes et on vous a fait à bouffer les mecs. Oui, parce qu'on a monté la cuisinière. Alors moi aussi, j'ai déjà déménagé. J'ai aussi demandé à des copains de m'aider. Bon, du coup, je l'ai fait tout seul. Et c'est lors des déménagements que tu peux tâter le terrain avec tes nouveaux voisins. Le casse-couille, tu le repères très vite. Hein. C'est celui qui dit « L'ascenseur n'est pas à mon charge. » Et c'est lorsqu'on déménage qu'on se rend compte du nombre de livres que l'on possède et qu'on n'a jamais lu et qu'on ne lira jamais. J'ai découvert que j'avais Nietzsche. Ainsi parlait Zarathoustra. Ça vous parle à vous? Oui, non. J'ai Foucault aussi. Bon, celui-là, Jean-Pierre? Oui, celui-là, je l'ai lu. C'est ton dernier mot. Je l'ai lu, c'était un best-of de sacrée soirée. Bon, mais comme dirait Jean-Paul, je m'égare au gorille. Oh. Oui, car il faut être costaud pour déménager. Oui, alors j'ai laissé mes transitions dans les cartons. Hein. Oui, il faut être costaud, donc je comprends mieux pourquoi on a fait appel à moi. Enfin, maintenant, je suis costaud hein, à force de porter des trucs. Surtout des cartons, toujours des cartons. J'ai vu un SDF l'autre fois, je lui ai dit, hey, tu veux que je porte tes cartons? Il m'a dit, Non, mais il avait pas tort. Et enfin, lors d'un déménagement, c'est l'occasion de faire le ménage à fond. Oui, mais dans l'appartement que l'on quitte. C'est con, hein, il aura jamais été aussi propre. Bravo. C'est fou, on s'y croyait. Ouais. On s'y croyait. On a l'impression de l'avoir vécu. Là, ta chronique a fait un carton. Là. Oh, il est bon, hein.